Section 58, deuxième partie, chapitre 27. Lorsque Charlotte se trouva seule, elle examina la situation que le retour de son mari lui créait. Devait-elle reprendre son dessein interrompu ou devait-elle l'abandonner? Devait-elle mourir ou devait-elle vivre? Dans cet examen, Emmanuel était tout, elle-même n'était rien. Ce qu'elle devait chercher, ce n'était pas ce qui pouvait être le mieux pour elle, mais seulement ce qui serait le moins terrible pour lui. Qu'elle se tuât, et il restait seul, abandonné, bientôt on le replacerait chez le docteur Bergeresse ou dans tout autre établissement. Qu'elle ne se tuât point, au contraire, et elle pourrait le garder, le soigner, peut-être même le rendre à la santé. Réduite à ces deux termes, la question n'était pas douteuse. Il fallait qu'elle vécût pour lui. Malheureusement, elle ne pouvait pas s'en tenir à cette conclusion, efficace dans le présent jusqu'à un certain point, mais insuffisante dans l'avenir. Que se passerait-il, en effet, le jour où l'enfant qu'elle portait viendrait au monde? Il est vrai qu'en suivant le plan qui lui était donné, elle n'avait pas à se préoccuper de cette expectative. D'après ce plan, il fallait qu'Emmanuel se crût le père de cet enfant, et alors ce qui pouvait être pour lui le plus grand des malheurs devenait au contraire la plus grande des joies. Mais de cela, elle se sentait incapable. Jamais elle ne dirait à Emmanuel qu'il était le père de cet enfant. Jamais elle ne ferait rien pour qu'il le crût. S'il ne recouvrait pas la raison, cette question terrible de la paternité pourrait rester incertaine. Mais s'il la recouvrait, et si elle était obligée de s'expliquer, tout serait perdu. Incapable d'ajouter le mensonge à sa faute, il faudrait alors qu'elle confessât la vérité. Ainsi, elle se trouvait placée dans cette effroyable alternative. Ou de s'appliquer à soigner son mari pour le guérir, et alors d'être exposée à son désespoir le jour où il pourrait comprendre la vérité. Ou de ne pas le guérir, et alors de le garder près d'elle, en profitant de l'impunité que sa présence lui apportait. Quand une situation se montre ainsi, ce n'est point d'une minute à l'autre qu'on lui trouve une solution. À mesure que l'analyse la creuse, les dangers apparaissent, et devant la profondeur de l'abîme qui s'ouvre béant, on recule épouvanté. Loin de se pouvoir rassurer par la lumière qu'on y projette d'une main tremblante, on se sent affolé par le vertige. Ce fut ce qui arriva pour Charlotte. « Il faut trouver, se disait-elle, il faut se décider. » Mais elle ne trouvait point, et elle ne se décidait point. Les heures de la nuit s'écoulèrent, et quand le jour se leva, les ombres qui enveloppaient son esprit étaient de plus en plus épaisses. Elle remit au lendemain à prendre une résolution. Avec le calme, la clairvoyance lui viendrait peut-être. Et puis, il n'y avait pas urgence à prendre un parti immédiat. Elle était seule à connaître sa grossesse, et des mois s'écouleraient encore avant qu'on pût la deviner. Ce n'était pas au moment où Emmanuel rentrait dans sa maison après une si longue absence qu'elle pouvait lui causer une pareille douleur. Avant tout, il fallait voir quel effet le calme du foyer et les soins de la tendresse produiraient sur lui. Comme toujours, cette remise au lendemain d'une détermination décisive apaisa son angoisse. Elle réfléchirait, elle verrait, c'était du temps gagné. Et dans ces crises, il semble que le temps gagné soit le salut. Elle ne tarda pas à voir cependant qu'elle n'avait pas encore épuisé toutes les difficultés qui l'accablaient. Il lui en restait une à laquelle elle n'avait même pas songé, et la plus cruelle de toutes. La première pensée d'Emmanuel en s'éveillant fut pour Georges. « J'ai oublié de te prévenir, lui dit-il, que j'ai invité Georges à dîner pour aujourd'hui. »« Georges ?» Par un effort de volonté, elle retint les paroles qui lui montaient aux lèvres. « Sans doute, continua Emmanuel, n'est-ce pas tout naturel ? Tu parais surprise. Pourquoi serais-tu surprise ? Voilà qui serait étrange, vraiment. Georges est venu à mon secours. Il n'a cru aucun de ceux qui lui disaient que je n'étais pas guérie. Il n'a cru qu'à son amitié et son cœur. Il m'a ramenée dans ma maison. N'est-il pas juste ? N'est-ce pas un devoir pour moi et même pour toi de lui marquer notre reconnaissance ? Tu ne réponds pas ? Il avait parlé avec volubilité, presque avec colère. Que répondre pour ne pas l'exaspérer ? J'avais espéré passer cette journée dans l'intimité, dit-elle. C'est ce que je veux aussi, mais Georges, il me semble, ne dérange en rien notre intimité. Je veux que ce dîner soit une fête de famille. Georges est de ta famille, il est ton cousin, il est ton plus proche parent. Je n'avais pas pensé à lui, voilà tout. Voilà tout, c'est un tort, tu aurais dû la première penser à cela. Il est vrai, et c'est là ton excuse, il est vrai qu'autrefois j'ai voulu tenir Georges à l'écart. Mais j'ai été coupable. ou plutôt je l'aurais été si je n'avais pas été déjà malade. C'est la maladie seule qui m'avait mis dans l'esprit les idées qui me tourmentaient. Aujourd'hui que je suis guérie, je n'ai plus, Dieu merci, ces idées, et je tiens beaucoup à montrer que je m'en suis débarrassée. N'est-ce pas la meilleure preuve de ma guérison ? Réponds donc. Tu n'as besoin de preuves pour personne. Non, mais enfin je tiens à en donner. Et puis, d'un autre côté, je tiens à réparer envers Georges les torts que j'ai eus envers lui. Georges a été pendant longtemps mon meilleur ami, mon camarade, mon frère. Je veux lui montrer que je le considère toujours comme tel. Tu me feras plaisir en ne l'oubliant pas. » Jamais il ne lui avait parlé sur ce ton. Mais de cela, elle ne prit pas souci. C'était maintenant sa manière de tout dire, même les choses insignifiantes, d'une façon nerveuse et impatiente. Elle ne répliqua rien. Après le déjeuner, il avait voulu sortir, et bien entendu, elle l'avait accompagné. Il s'était fait conduire à la librairie Pagnère, et là, il avait acheté la collection des 25 ou 30 almanachs que publie chaque année cette maison. Aussitôt cette acquisition faite, il avait commandé au cocher de les ramener rue de Boulogne. Et à peine rentré, il s'était mis à examiner les almanachs, les comparant les uns avec les autres, en couvrant de chiffres une feuille de papier. Charlotte, qui travaillait auprès de lui à un ouvrage de tapisserie, n'osait l'interroger, et c'était à la dérobée seulement qu'elle le regardait. Tout à coup, il se leva et vint auprès d'elle en tenant sa feuille de papier. « Avoue, dit-il, que tu n'as pas idée de ce que je fais. C'est un calcul, et je te jure qu'il me donne une grande sécurité. J'ai dépassé l'âge où ma mère est morte. » « Mais je sais cela. » « Tu sais cela, et moi je le savais aussi, seulement je n'en avais pas la preuve. C'est pour avoir cette preuve que j'ai acheté tous ces almanachs. Chez Bergeresse, on m'avait, sur ma demande, donné un calendrier, mais j'avais peur qu'il ne fût faux. On doit toujours, et en tout, se défier de ce qui vient de ces médecins. Avec ces almanachs, j'ai fait ma preuve. J'ai bien véritablement dépassé l'âge de ma mère depuis 3 mois. C'est à partir de ce moment que j'ai été de mieux en mieux, et maintenant il est bien certain qu'il n'y a plus aucun danger. Cette date était fatale. » Il fallut le soir se mettre à la même table que Georges. Et comme ils n'étaient que 3, Charlotte se trouva naturellement placée entre son mari et celui qui avait été son amant. Il fallut qu'elle s'acquittât de son rôle de maîtresse de maison. Il fallut qu'elle se mêlât à la conversation qui, grâce à la loquacité d'Emmanuel, ne languit pas un instant. Il fallut qu'elle répondît à Georges, qui s'arrangea plusieurs fois pour l'entraîner dans des sujets où, par des allusions et des mots couverts qu'elle seule pouvait comprendre, il disait tout ce qu'il voulait lui faire entendre. La souffrance fut telle qu'à un moment donné, elle crut qu'elle allait s'évanouir. La tête, le cœur, tout lui manquait. Assurément, s'il lui fallait subir chaque jour pareille torture, elle n'aurait pas la force d'aller jusqu'au bout. Le courage lui ferait défaut, l'énergie morale aussi bien que l'énergie physique. Il fallait donc qu'elle trouvât un moyen pour s'en affranchir. Et ce moyen, c'était d'emmener Emmanuel loin de Paris. Georges, retenu par sa position et son ambition, ne les suivrait pas. Elle pensa tout d'abord à reprendre leur voyage sur leur yacht, mais la crainte qu'Emmanuel n'éprouvât une crise aiguë en pleine mer ou dans un pays à moitié sauvage la retint. Que ferait-elle de lui ? Alors elle pensa à la crique. Il lui en coûtait de revenir coupable dans cette maison où elle avait vécu jeune fille, mais elle ne devait pas avoir égard à ses sentiments. C'était avant sa faute qu'elle aurait dû penser à la maison paternelle et à son enfance. Au premier mot, Emmanuel, avec la mobilité qu'il portait maintenant dans tout, applaudit à cette idée, et il voulut partir aussitôt. « Rien ne nous retient à Paris, dit-il. Mettons-nous en route ce soir, en Bretagne, loin des Bergeresse, des Louville, seuls ensemble, ce sera le bonheur. » Si ce ne fut pas le bonheur pour Charlotte, ce fut au moins le calme. Elle put se consacrer entièrement à son mari. Une mère n'eût pas eu plus de soins et de prévenances pour son enfant malade. Ces soins, et aussi la tranquillité de cette maison, où rien ne lui rappelait de pénibles souvenirs, firent plus pour Emmanuel que la science du docteur Bergeresse. Peu à peu, il retrouva un sommeil paisible, et son excitation fébrile s'apaisa. Si ce n'était pas la guérison, au moins c'était une espérance, presque un commencement de guérison. Sur 2 ou 3 points seulement, il y avait encore une lacune dans sa raison. Oh, si Charlotte avait eu du temps devant elle, mais les jours, les mois avaient marché, et le moment arrivait où elle allait être obligée de lui avouer sa grossesse, qui pour tout le monde était déjà visible. Comment lui porter ce coup ? Ce n'était plus à un fou qu'elle avait affaire, mais à un homme qui raisonnait. Ne l'avait-elle ramené si près du rivage que pour le rejeter au loin, au moment où il n'avait peut-être plus que quelques pas à faire pour être sauvé? Elle différa encore son aveu, mais il vint un jour enfin où elle ne put pas se taire plus longtemps. Elle se sentait observée par lui. Il la regardait marcher, il lui posait des questions qui prouvaient que son esprit était inquiet. L'heure était venue, il fallait parler. Elle parla. Et, supplice atroce, alors qu'elle eût voulu se confesser dans l'ombre à voix basse, elle parla les yeux fixés sur ceux de son mari, tâchant de lire dans son âme les mouvements que cette confidence y soulevait. Tout d'abord, il resta hésitant, comme s'il ne comprenait pas, ou bien comme s'il analysait ce qu'il venait d'entendre. Son regard était anxieux, ses sourcils étaient contractés par l'effort de la réflexion. Mais bientôt son visage s'éclaira, ses bras s'ouvrirent, et amenant Charlotte sur sa poitrine, « Ah, chère femme !» dit-il. Mais en posant les lèvres sur le visage glacé de Charlotte, il frissonna, alors s'éloignant d'elle de manière à la bien voir. « Pourquoi es-tu glacée ? » dit-il. « Tu trembles ? Qu'as-tu ? » Incapable de répondre, incapable de soutenir son regard, elle baissa les yeux. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi. Que se passait-il en lui ? Charlotte se sentait mourir. Tout à coup, il revint à elle. « Ah, je comprends, » dit-il, « mais il ne faut pas t'effrayer. Tu sais bien qu'il y a près de 6 mois que je suis guérie. » Fin de la section 58.